Pourtant, le mouvement teutonique de réaction contre la France, ou du moins contre l'homme qui la tenait en sa main, allait bientôt gagner Madame de Krüdener et la pousser par degrés jusqu'au rôle où on l'a vue finalement. Déjà, dans Valérie, il y a trace de quelque opposition au consul, à l'endroit des réflexions du comte sur les tableaux et les statues des grands maîtres qu'il faut voir en Italie même, sous leur ciel, et qu'il serait déraisonnable de déplacer. Le meurtre du duc d'Enghien ajouta l'indignation à ce premier sentiment indisposé. Le séjour à Berlin, l'intimité avec la reine de Prusse et les événements de 1806 y mirent le comble. C'est vers ce temps, en Suède, je crois, au milieu d'une vie encore toute brillante, mais à l'âge où l'irréparable jeunesse s'enfuit, qu'une révolution s'opéra dans l'esprit de Madame de Krüdener, qu'un rayon de la grâce, disait-elle, la toucha, et qu'elle se tourna vers la religion, bien que pourtant, d'abord, avec des nuances légèrement humaines, et sans le caractère absolu et prophétique qui ne se décida que plus tard. On peut voir au tome second des mémoires de Mademoiselle Cochelet, note, le journal Le Semeur, octobre 1843, a consacré deux articles à Madame de Krüdener en insistant naturellement sur le côté religieux et mystique. Nous ne l'avions pris qu'au sérieux. Le respectable écrivain le prend tout à fait au grave et veut bien nous reprocher d'avoir une fois légèrement souri. Il cite les lettres à Mademoiselle Cochelet, non pas seulement celles de 1809, mais d'autres encore, qui sont tout à côté dans le même volume. Les curieux les y trouveront. Reprise. On peut voir au tome second des mémoires de Mademoiselle Cochelet, et se détachant dans des pages fort plates, une admirable lettre d'elle, datée de Riga, décembre 1809, qui marque parfaitement le point où se trouvait portée alors cette âme merveilleuse. Si elle ne prophétisait pas encore, elle prêchait déjà à ses amis, avec tout le zèle et l'obsession d'une sainte tendresse. Son influence chrétienne sur la reine de Prusse, son dévouement sans bornes à cette héroïque et touchante infortune, et les bienfaits de consolation, d'espoir céleste dont elle l'environna, sont suffisamment attestés. Il paraît qu'à cette époque, elle avait composé d'autres ouvrages qui n'ont jamais été publiés. Elle cite dans sa lettre à Mademoiselle Cochelet une « Othilde », par laquelle elle aurait voulu retracer le dévouement chevaleresque du Moyen-Âge. « Oh, que vous aimeriez cet ouvrage » écrit-elle naïvement. « Il a été fait avec le ciel. Voilà pourquoi j'ose dire qu'il y a des beautés. » En se replaçant ainsi au Moyen-Âge, aux horizons de la croisade teutonique et chrétienne, il semblait que Madame de Krüdener revenait par instinct à ses origines naturelles. Un grand poète, le Tasse, sujet à l'illusion comme Madame de Krüdener, et idéalement touchant comme elle, dut, ce me semble, offrir à sa pensée, dans le tableau qu'elle essaya, quelques tons de la même harmonie, et je me figure que cette Othilde pouvait être écrite et conçue dans la couleur de Clorinde baptisée. Madame de Krüdener passa ses années de transition à parcourir l'Allemagne, tantôt à Bade, avec des retours de monde, tantôt visitant des frères moraves, tantôt écoutant à Karlsruhe l'illuminé Jung Stilling et prêchant avec lui les pauvres. On peut lire quelques détails sur le séjour de Madame de Krüdener dans le Grand-Duché de Bade, page 5 et suivante de l'éclaircissement qui précède le tome 10 de l'Histoire de France sous Napoléon par M. Bignon. Elle travaillait à s'élever, à se détacher de plus en plus, suivant son nouveau langage, des pensées des hommes du torrent. Mais elle changea moins qu'elle ne le crut. Si l'on a pu dire de la conversion de quelques âmes tendres à Dieu, c'est de l'amour encore. Il semble que le mot aurait dû être trouvé tout exprès pour elle. Elle portait dans ses nouvelles voies et dans cette nouvelle route de l'âme, comme elle disait d'après Platon, toute la sensibilité et l'imagination affectueuse de sa première habitude, et comme la séduction de sa première manière. l'inépuisable besoin de plaire s'est échangé en un immense besoin d'aimer, ou même s'y continuait toujours. Note. On rapporte, et c'était déjà dans ses années de conversion, qu'un homme distingué qui venait souvent chez elle, épris des charmes de sa fille, qui lui ressemblait avec jeunesse, s'ouvrit et parla à la mère, un jour, de l'émotion qu'il découvrait en lui depuis quelque temps, des espérances qu'il n'osait former. Et Madame de Krüdener, à ce discours assez long et assez embarrassé, avait tantôt répondu oui et tantôt gardé le silence. Mais tout d'un coup, à la fin, quand le nom de sa fille fut prononcé, elle s'évanouit. Elle avait cru qu'il s'était agi d'elle-même. Au reste, pour bien entendre, selon la mesure qui convient, ce reste de facilité romanesque chez Madame de Krüdener au début de sa conversion, et aussi la décence toujours conservée au milieu de ces inconséquences du monde, il ne faut pas oublier ce mélange particulier en elle de la légèreté et de la pureté livonienne qui explique tout. Reprise. Les événements de 1813 achevèrent d'éclairer, de dessiner la mission que Madame de Krüdener se figurait avoir reçue. Et ce mouvement de l'Allemagne régénérée qui produisait tant de guerriers enthousiastes, de poètes nationaux, de pamphlétaires éloquents, la mena aussi à son rang, elle, la Velléda évangélique, la prophétesse du Nord. Outre le caractère religieux qu'elle revêt et qui la distingue, ce cas de particulier le rôle de Madame de Krüdener entre tous les enthousiasmes teutoniques d'alors, c'est qu'elle s'appuie plutôt sur l'extrême Nord, sur la Russie, et comme elle le dit, sur les peuples de l'Aquilon. Elle les concilie dans son cœur avec un ardent amour de la France. Son imagination, frappée, va chercher la ressource et la renaissance de la civilisation par-delà l'antique Germanie même, dans ce qui était la barbarie glacée et qui est devenu, selon elle, le réservoir de la pureté perdue. Ce qu'elle appelle de ses vœux, ce qu'elle se peint en vision avec contraste, c'est la revanche et le contre-pied de l'invasion d'Attila, cette fois pour le bien du monde. Elle passa 1814 à Paris, surtout en Suisse, à Bade, dans la vallée de Lichtenthal, où affluaient sur ses traces les pauvres nourris et consolés. En Alsace, à Strasbourg, où elle vit mourir d'une mort tragique et chrétienne, le préfet M. de Lézay, Marnésia. Dans les Vosges, au village du Banc de la Roche, fécondé et édifié par Oberlin. Tout ce qu'elle voyait rentrait dans son inspiration et y poussait. Elle ne connaissait encore l'empereur Alexandre qu'indirectement, bien qu'elle l'appelât déjà le sauveur universel, l'ange blanc, et qu'elle l'opposa sans cesse à l'ange noir, Napoléon. La seule pensée de celui-ci, son ombre, lui donnait, dès l'instant qu'elle en parlait, le vertige sacré des prêtresses. Elle prédisait à tout venant sa sortie de l'île d'Elbe et les maux qui se déchaîneraient avec lui. Son idée fixe était l'année 15, et elle assignait à cette date prochaine la catastrophe et le renouvellement de la terre. 1815, en justifiant une partie de ses prédictions, exalta sa foi et réalisa son influence politique. Elle avait vu l'empereur Alexandre en Suisse, peu avant les Cent Jours, et avait trouvé en lui une nature toute disposée. On avait déjà comparé ce prince à l'autre Alexandre ou à Cyrus. Elle rajeunit tout en le comparant à Jésus-Christ. Elle le croyait sincèrement, sans doute, mais un reste d'adresse, d'insinuation flatteuse du monde s'y mêlait et n'y nuisait pas. Son ascendant tout d'abord fut immense. À Paris, aussitôt l'arrivée d'Alexandre, elle devint son conseil habituel. Note. En 1814, l'empereur Alexandre avait été sous l'influence de son digne précepteur, le général La Harpe, influence purement libérale à la façon des hommes de 89 et de l'an 3. En 1815, lorsqu'il passa sous celle de Madame de Krüdener, il parut bien moins libéral à nos libéraux français, à M. de Lafayette, par exemple, qui relève en ses mémoires la métamorphose. Mais combien cette seconde influence, mystiquement chrétienne et charitable, lui conservait d'amour de la liberté encore, au prix de ce qui s'opéra en lui lorsqu'elle se fut refroidie à son tour. Reprise. Il sortait de l'Élysée Bourbon par une porte de jardin pour aller tout auprès, chez elle, plusieurs fois le jour, et là, ils priaient ensemble, invoquant les lumières de l'esprit. Elle a confessé alors à un ami qu'elle avait peine parfois à réprimer ses accès de vanité, quand elle songeait qu'elle était ainsi toute puissante sur le souverain le plus puissant. Dans les premiers jours de septembre de cette année, une grande revue des troupes russes eut lieu, sous les yeux d'Alexandre, dans les plaines de Vertu en Champagne. Madame de Krudener, avec son monde, sa fille, son gendre, et le jeune ministre en pétasse qui la dirigeait, était allé loger au château du Ménil, près de là. Dès le matin, les voitures de l'empereur la vinrent prendre, et les honneurs que Louis XIV rendit à Madame de Maintenon, au camp de Compiègne, ne surpassent point la vénération avec laquelle le conquérant la traita. Ce n'était pas la petite fille du maréchal de Munich, sa sujette favorite. C'était une envoyée du ciel qu'il recevait et conduisait dans ses armées. Tête nue, ou tout au plus couverte d'un chapeau de paille qu'elle jetait volontiers, cheveux toujours blonds, séparés et pendants sur les épaules, avec une boucle quelquefois qu'elle ramenait et rattachait au milieu du front, en robe sombre, à taille longue, élégante encore par la manière dont elle la portait, et nouée d'un simple cordon, telle, à cette époque, on la voyait. Telle, dans cette plaine, elle arriva dès l'aurore. Telle, debout, au moment de la prière, elle parut comme un Pierre l'ermite au front des troupes prosternées. Elle a écrit et publié dans le temps, au sujet de cette solennité, une petite brochure sous le titre du camp de vertu. Ses sentiments et ses magnificences de désir s'y expliquent mieux que nous ne pourrions les interpréter. Guillemet. Qui ne s'est dit en assistant, note, il y a ici une incorrection de langage, assistant ne se prenant point dans un sens absolu. L'auteur de Valérie, en se faisant instrument divin et prophétesse, soignait beaucoup moins son expression. Autant d'Ozone, saint Paulin, depuis sa conversion, se permit, ou même s'imposa, toutes sortes d'incorrections dans ses vers. Reprise. Qui ne s'est dit, en assistant dans les plaines de Champagne, qui ont vu la défaite d'Attila, une autre verge a été brisée? C'est qu'il n'a jamais existé qu'un seul crime, celui de vouloir se passer du Dieu vivant. Qu'ils ont dû être remplis, les immenses vœux de votre cœur, heureux Alexandre, quand, dans cette journée du ciel, vous avez vu dans ces plaines où, il y a 600 ans, 100 000 Français, en présence d'un roi de Navarre, note Thibaut de Champagne probablement, qui fut mêlé aux rigueurs contre les Albigeois, contre les Juifs d'Orléans, contre les Pastoureaux, on a conservé dans le pays la tradition du supplice des 180 hérétiques, immolés au Mont Aimé, qui domine ces plaines, et dont la tour est encore debout il y a quelques années. Reprise. En présence d'un roi de Navarre, virent le supplice de 180 hérétiques à la clarté des torches funèbres. Vous avez vu, dis-je, 150 000 Russes faire amende honorable à la religion de l'amour. Ah, qui n'a pas, en voyant cette journée du ciel, vécu avec nous de toutes les espérances? Qui n'a pas pensé, en voyant Alexandre sous ses grands étendards, à toutes les victoires de la foi, à toutes les leçons de la charité? Qui a osé douter qu'il y ait là de hautes inspirations, et qui n'a dit avec l'apôtre « Les choses vieilles sont passées, voici que toutes choses sont faites nouvelles. » Et qui n'a pas eu besoin de quelque chose de nouveau au milieu de tant de ruines? Les hommes, placés sur le haut de l'échelle par les grandes lumières, ont vu cette époque à la clarté que jetait sur elle la majesté des Écritures. La nature l'a confiée à des observateurs, les sciences s'en sont doutées, la politique, couverte de honte, l'a pressentie dans ses chutes. Oui, tous, soit en jouissant de ce grand secret encore voilé comme Isis, soit en tremblant de crainte que le voile des temps ne se déchirât, tous ont eu l'espoir ou la terreur de cette époque. Quel cœur, en voyant tout cela, n'a pas aussi battu pour vous, ô France, jadis si grande, et qui ressortirait plus grande encore de vos désastres. France, qui avait voulu exiler de vos conseils le Tout-Puissant, et avait vu des bras de chair, quoique appuyés sur des empires, tomber d'épouvante et redevenir impuissants. Dites aux peuples étonnés que les Français ont été châtiés par leur gloire même. Dites aux hommes sans avenir que la poussière qui s'élève retombe pour être rendue à la terre des sépulcres. Et vous, France première, antique héritage des Gaules, fille de Saint-Louis et de tant de saints qui attirèrent sur elle des bénédictions éternelles, et pensez, patrie, point d'interrogation, de la chevalerie dont les rêves ont charmé l'univers, revenez tout entière, car vous êtes vivante d'immortalité. Vous n'êtes point captive dans les liens de la mort, comme tout ce qui n'a eu que le domaine du mal pour régner ou pour servir. » Fin des guillemets. Et elle finit en montrant la croix, laissée dans ces lieux, comme un autel magnifique qui doit tout rallier et qui dira « Ici fut adoré Jésus-Christ par le héros et l'armée chère à son cœur. Ici, les peuples de l'Aquilon demandèrent le bonheur de la France. » Fin des guillemets. Ces pages expriment clairement en quel sens Madame de Krüttener concevait et conseillait la Sainte Alliance. Mais ce qui était son rêve, ce qui fut un moment celui d'Alexandre, se déconcerta bientôt et s'évanouit en présence des intérêts contraires et des ambitions positives qui eurent bon marché de ces nobles chimères. L'espèce de triomphe de Madame de Krüttener au camp de vertu marqua le plus haut point et, pour ainsi dire, le sommet lumineux de son influence. On s'en effraya sérieusement et on s'efforça de l'éloigner de l'empereur et de faire en sorte qu'il la vît moins. Lorsque Alexandre eut quitté la France, Madame de Krüttener déclina rapidement dans son esprit. Cette vénération pieuse qu'il ressentait pour elle finit par l'aversion, par la persécution même. Ceux qui croient sérieusement à l'intervention de la Providence dans les choses de ce monde ne doivent pas juger avec trop de sourire le rôle et la tentative de Madame de Krüttener. Il est certain que 1815 fut un moment décisif, et aux esprits religieux, il doit sembler que l'épreuve était de force à susciter son témoin mystique et son prophète. Madame de Krüttener s'est moins trompée sur l'importance de 1815 même que sur les conséquences qu'elle en augurait. En ces moments de craquement universel, il arrive, j'imagine, que l'idéal qui est derrière ce monde terrestre se révèle, apparaît rapidement à quelques yeux, et l'on croit qu'il va s'introduire. Mais la fente se referme aussitôt, et l'œil qui avait vu profondément et juste un instant, en continuant de croire au rayon disparu, s'abuse et n'est plus rempli que de sa propre lumière. Le malheur de certaines âmes, le tort de Madame de Krüttener, n'est peut-être que d'avoir conçu le beau dans les choses humaines à un certain moment décisif et terrible, où il suffisait, en effet, d'un grand homme pour l'opérer. Mais l'homme a fait faute, et celui qui concevait le rôle n'est plus que visionnaire. Et nous-mêmes, rêveurs, ne disons-nous pas tous les jours qu'aurait-ce été en 1830 s'il y avait eu au gouvernail un grand cœur? Si le noble, l'intéressant mais trop fragile Alexandre, avait été un Charlemagne véritable, un monarque en tout à la hauteur de sa fortune, Madame de Krüttener était plus que justifiée. Mais alors eût-elle été nécessaire? Sa plus grande illusion fut de croire que de telles pensées, ce conseil et s'inspire là où elle ne germerait pas d'elle-même. Après tout, sous une forme particulière, dans son langage biblique vague, mais avec un sentiment vivant et nouveau, Madame de Kruttner n'a fait autre chose qu'entrevoir à sa manière et proclamer de bonne heure, du sein de l'orage politique, cette plaie du néant de la foi, de l'indifférence et de la misère moderne, qu'avec plus ou moins d'autorité, de génie, d'illusion et de hasard, ont sondé, adouci, aigri, déploré et tourmenté tour à tour ceux qui, en des sens divers, tendent au même but de la grande régénération du monde. Saint-Martin, Demestre, Saint-Simon, Ballanche, Fourier et Lamennais. Hors de la politique, l'influence de Madame de Kruttner en 1815 à Paris, son action purement religieuse fut bien passagère, mais également vive et frappante, sur ceux même chez qui elle ne durait pas. Tous ceux qui l'approchaient un peu souvent subissaient le charme de sa parole et prenaient au parfum de son âme abondante et toujours répandue. On en citerait une foule d'exemples. Madame de Lézay-Marnésia, une jeune femme charmante qui avait vu périr si affreusement son mari à Strasbourg, s'était remise en sa douleur à Madame de Kruttner et partageait chaque nuit le même cilice, espérant par elle retrouver quelque communication avec celui qu'elle avait perdu et qui déjà se révélait à la sainte amie plus détachée. Dans ce château où elle fut, près du camp de vertu, tout l'entourage de Madame de Kruttner, plus ou moins, prêchait à son exemple. Sa fille, son gendre, prêchait la famille du vieux gentilhomme qui les logeait. La jeune femme de chambre elle-même prêchait le vieux domestique du château. Quelques mots engagés à la rencontre, n'importe à quel sujet et en quel lieu, servaient de texte, et sur un escalier, sur un perron, au seuil d'un appartement, l'entretien tournait vite en prédication. Le respect, pourtant, et une sorte d'admiration s'attachaient à elle et corrigeaient l'impression de ses alentours. Bien des railleurs à Paris, qui allaient l'entendre dans son grand salon du faubourg Saint-Honoré, ouvert à tous, revenaient, sinon convaincus, du moins charmés et pénétrés de sa personne. Telle, de sa connaissance familière, qui se croyait tenue de résister quand elle était là, prêchait un peu à son exemple dès qu'elle n'y était plus. Elle avait une éloquence particulièrement admirable et un redoublement de plénitude quand elle parlait des misères humaines chez les grands. « Oh, combien j'ai habité de palais !» disait-elle à une jeune fille bien digne de l'entendre. « Oh, si vous saviez combien de misères et d'angoisses s'y recèlent, je n'en vois jamais un sans avoir le cœur serré. » Mais c'est surtout quand elle parlait aux pauvres de ces misères qui égalent les leurs que l'effet de sa parole était souverain. Une fois à Paris, sollicitée par l'amitié d'un homme de bien, M. de Gérando, elle pénétra avec l'autorisation du préfet de police dans la prison de Saint-Lazare. Et là, elle se trouva en présence de la portion véritablement la plus malade de la société. Elle commença, au milieu de ces femmes étonnées et bientôt touchées. Les plaies des puissants furent étalées. Elle frappa son cœur. Elle se confessa aussi grande pécheresse qu'elles toutes. Elle parla de ce Dieu qui, comme elle disait souvent, l'avait ramassée au milieu des délices du monde. Cela dura plusieurs heures. L'effet fut soudain, croissant. C'étaient des sanglots, des éclats de reconnaissance. Quand elle sortit, les portes étaient assiégées, les corridors remplis d'une double haie. On lui fit promettre de revenir, d'envoyer de bons livres. Mais d'autres émotions survinrent. Elle n'y retourna pas. Et c'est dans ce peu de suite que, chez Madame de Kruttner, le manque de discipline, d'ordre fixe et aussi de doctrine arrêtée se fait surtout sentir. Combien de fois, quand on la pressait sur cette doctrine, quand on lui en demandait la source et les témoignages, quand on disait à ses idées mystiques « Qui êtes-vous ? D'où êtes-vous ?» elle se contentait, après les premiers mots, de faire un geste vers Empétas qui répondait « Je vous expliquerai cela. » et le vent de l'inspiration tournait, et de l'explication, il n'en était jamais question davantage. Dans les résultats et les actions de la vie, cette vacillation se retrouvait. Elle eût peut-être sauvé la Bédoyère si elle avait obéi à une seule pensée. Mais des suggestions diverses se succédaient près d'elle. L'inspiration variait au gré de la dernière personne qu'elle voyait. Et l'une de ces personnes, hostile à la Bédoyère, avait grand soin de ne la quitter que peu d'instants avant l'heure de l'empereur Alexandre, lequel trouvait la bonne inspiration clémente toute combattue et refroidie. Sa sensibilité, son imagination, non retenue, se donnait carrière. Ses illusions sur les choses de fait étaient extrêmes et souvent piquantes. Elle les avait eues faciles de tout temps. Un jour, en 1815, à quelqu'un qui la venait voir dans la soirée à l'heure de sa prière, elle disait « De grandes œuvres s'accomplissent, tout Paris jeûne. » Et cet ami, qui sortait du palais royal, où il avait vu tout le monde dîner, ne put la détromper comme il aurait voulu. Ce trait est bien de celle qui, femme du monde, s'était figurée volontiers que Gustave, ou quelque autre, était mort d'amour pour elle. Note. Mais quoi ? Répliquait quelqu'un devant qui elle disait que le jeune homme était mort. Mort ? Mais il est à Genève. Oh, mon très cher, s'écriait-elle avec sa grâce naturelle, s'il n'est pas mort, il n'en est guère mieux pour cela. Reprise. On aime à rechercher quelles furent, à cette époque de 1815, les relations de Madame de Krüdener avec quelques personnes célèbres, dont l'âme devait, par plus d'un point, rencontrer la sienne. Madame de Staël goûtait Madame de Krüdener, auteur de Valérie. Mais elle était d'un esprit politique et historique trop prononcé pour entrer dans son exaltation prophétique, et elle en souriait plutôt. Benjamin Constant, lui, n'en souriait pas. Il vit beaucoup Madame de Krüdener en 1815. Il trouvait près d'elle consolation dans ses crises et aliment pour toute une partie de son âme. On sait quelles furent alors les vicissitudes politiques de l'illustre publiciste. Ses sentiments religieux n'étaient pas moins agités et, à cette limite extrême de la jeunesse, revenant à la charge en lui, il livrait comme un dernier combat. D'autres troubles secrets s'y joignaient et formaient un autre dernier orage. C'est près de Madame de Krüdener qu'il allait, durant des heures, chercher quelque repos, partager quelques prières. Adolphe toujours le même, près de Valérie, régénérée. Une bienveillance précieuse nous permet de reproduire quelques lignes qui peignent cette situation intérieure. Guillemets. « J'ai vu hier Madame de Krüdener », écrivait Benjamin Constant. Note. C'est à Madame Récamier qu'il s'adressait. D'abord avec du monde, ensuite seule pendant plusieurs heures. Elle a produit sur moi un effet que je n'avais pas éprouvé encore, et ce matin une circonstance y a ajouté. Elle m'a envoyé un manuscrit avec prière de vous le communiquer et de ne le remettre qu'à vous. Je voudrais le lire avec vous. Il m'a fait du bien. Il ne contient pas des choses très nouvelles, ce que tous les cœurs éprouvent, ou comme bonheur, ou comme besoin, ne saurait être bien neuf. Mais il a été à mon âme en plus d'un endroit. Il y a des vérités qui sont triviales et qui tout d'un coup m'ont déchiré. Quand j'ai lu ces mots qui n'ont rien de frappant, guillemets, que de fois j'enviais ceux qui travaillaient à la sueur de leur front, ajoutaient un labeur à l'autre, et se couchait à la fin de tous ses jours sans savoir que l'homme porte en lui une mine qu'il doit exploiter. Mille fois, je me suis dit, sois comme les autres. Fin des guillemets. J'ai fondu en larmes. Le souvenir d'une vie si dévastée, si orageuse, que j'ai moi-même menée contre tous les écueils avec une sorte de rage, m'a saisi d'une manière que je ne peux peindre. Fin des guillemets. contradiction piquante et touchante. En même temps qu'alors, près d'une personne, admirée et aimée, il se plaignait d'une certaine rigueur habituelle qu'il eût voulu attendrir, il se faisait l'organe d'une certaine sainteté mystique qu'il essayait de suggérer. Il écrivait, « Je me dis qu'il faut que je sois ainsi pour vous ramener à la sphère d'idées dans laquelle je n'ai pas le bonheur d'être tout à fait moi-même. Mais la lampe ne voit pas sa propre lumière et la répand pourtant autour d'elle. J'avais passé ma journée tout seul et je n'étais sorti que pour aller voir Madame de Krudener, l'excellente femme. Elle ne sait pas tout, mais elle voit qu'une peine affreuse me consume. Elle m'a gardé 3 heures pour me consoler. Elle me disait de prier pour ceux qui me faisaient souffrir, d'offrir mes souffrances en expiation pour eux, s'ils en avaient besoin. Et ailleurs, je suis une lyre que l'orage brise, mais qui, en se brisant, retentit de l'harmonie que vous êtes destinée à écouter. Je suis destinée à vous éclairer en me consumant. Je voudrais croire, et j'essaie de prier. » Fin des guillemets. Par malheur pour Benjamin Constant, ces élans qui se ranimaient près de Madame de Krudener et qui étaient au comble pendant la durée du pater qu'il récitait avec elle, ne se soutinrent pas, et il retomba bientôt au morcellement, à l'ironie, au dégoût des choses, d'où ne le tiraient plus que par assaut ses nobles passions de citoyen. Note. En fait de relations qu'on aime, indiquons encore que Madame de Krudener connut M. de Chateaubriand dès l'heure d'Atala, 1801. Les illustres mémoires produiront une lettre tout affectueuse, tout empressée, qu'elle lui adressait à Rome sur la nouvelle de la mort de Madame de Beaumont. Reprise. À sa sortie de France après 1815, Madame de Krudener traversa successivement divers états de l'Allemagne, émouvant partout à sa voix les populations, et bientôt éconduite par les gouvernements. M. de Bonald, l'ayant à ce propos persiflé, dans le journal des débats du 28 mars 1817, d'un ton tout à fait badin, note, M. de Bonald commençait de la sorte. Madame de Krudener a été jolie, elle a publié un roman, peut-être le sien, il s'appelait, je crois, Valérie. Il était sentimental et passablement ennuyeux. Aujourd'hui qu'elle s'est jetée dans la dévotion mystique, elle fait des prophéties. C'est encore du roman, mais d'un genre tout opposé. Il finissait et concluait du même ton. L'évangile en main, j'oserais lui dire que nous aurons toujours des pauvres au milieu de nous, ne fût-ce que de pauvres têtes. L'anonyme du journal de Paris se permit de trouver ce jeu de mots final plus digne de Potier ou de Brunet que d'un chrétien sérieusement pénétré de l'Évangile. Reprise. Une plume amie, qui n'était peut-être autre que celle de Benjamin Constant, la défendit dans le journal de Paris du 30 et rappela aux patriciens offensants les simples égards qu'au moins il devait, lui, l'homme des races, à la petite fille du maréchal de Munich. Bientôt, en s'éloignant des échos de la Suisse et de la vallée du Rhin, les accents de Madame de Krudener ne nous arrivèrent plus. Nous la perdrons aussi de vue dans notre récit. Ce que nous aurions à ajouter ne serait guère qu'une variante monotone de ce qui précède. Elle publia quelques petits écrits en allemand, dont on peut voir les extraits dans la notice de M. Marmier. Des professeurs d'université imprimèrent le détail des conversations qu'ils avaient eues avec elle. Dans toute cette dernière partie de son apostolat, Madame de Krudener ne me paraît pas différer des nombreux sectaires qui s'élèvent chaque jour en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique. L'originalité de son rôle est finie. Ayant obtenu, à un moment, la permission de se rendre à Saint-Pétersbourg, elle en fut bannie peu après pour s'être déclarée en faveur des Grecs, et elle mourut en 1824 en Crimée, où elle essayait de fonder une espèce d'établissement pénitentiaire. Honneur et bénédiction à celle qui sut demeurer jusqu'au bout, et sous le scandale de son zèle, un infatigable martyr de la charité. Mais c'est à la France, pour ne pas être ingrate, qu'il convient surtout de garder le souvenir d'une personne qui, de bonne heure, a tourné vers elle ses regards, qui a embelli sa société, adopté sa langue, orné sa littérature, qui l'a aimée en tout temps comme Marie Stuart l'aima, et qui, trahissant encore le fond de son âme à son heure de mystique ivresse, ne rêva d'autre rôle en la revoyant que celui d'une Jeanne d'Arc de la paix, de l'union et de la miséricorde. Note. Sur un tout autre ton que le nôtre, mais sans malveillance et en pleine connaissance de cause, un cousin de Madame de Krüdener, le comte d'Allonville, lui a consacré un chapitre qui est à lire, au tome 6, page 292, des « Mémoires secrets ». 1er juillet 1837.